je n'ai de yeux que pour elle. Je trouve ça un peu égocentrique. Elle veut que je quitte le jeu pour elle. La vie, je suis moins égocentrique. Le temps est passé, les jeans sont devenus des milfs. L'avenir n'est pas sélectif du point de vue des mimes. Le lien n'est pas clair, mais je veux que tu le suives. Ton cœur pourri par terre, je veux que tu les suives. L'âme de putain dans mon Royal Bacon. Millions de follow solitaires comme Econ. Putain de sa mère, j'ai du shit qui dégomme. Putain de sa mère, j'ai des chiffres qui décollent. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. Certi, certi, tous les coups sont certis. Combien de trophées pour résoudre cette vie, hein? Jumelle droguée pour un double selfie. Hey, baby, baby, j'ai assez d'un baby. J'ai le cœur en ferraille plus que heavy, heavy. Sors la belvédère, j'arrive avec mon doux. Bonjour, c'est vie, heavy. Frelon, évite, évite de nous dévisager. Faut pas défier le débile. On va dévier tes vis, te ramener sur le droit chemin. Aucun filet tennis n'arrêtera le machin. Ça me rend épileptique de squatter la lumière. Pour ça qu'il me faut de la cheese ou du hache qui s'effrite comme du sap cinétique. Jusqu'ici, c'est balourd, je dis rien d'inédit. J'attends la mise à jour. Chercheur de vérité, je vais ce qu'il est épidémie. Aucune velléité, mis à part le débit. Vise la sévérité du dieu qui t'a mis bas. Il t'a déshérité, t'a confié au bleu. Déjà viens donc à ma bleuta, viens donc au bout de toi. Pas juste au bout de trois, suffit d'un coup d'éclat. J'espère que tu m'entends, que tu vas trouver la foi. Trouver la voie et traverser la voie. Pour enculer sa race, à cet enculé sa race. Qui insulte ta race depuis l'autre bout de la gare. Tous des cafards bloqués dans la matrice. Que tu t'appelles Amar, que tu t'appelles Patrice. Chanter l'amour ça me déculpabilise. C'est mieux que les doses que tu t'administres. Vodka diluée dans le jus de la ministre. Nojo sorti droit du cul de ma bidi. Je prépare la vengeance mais je ne sais plus de quoi. Je me souviens des rires, je me souviens plus de toi. Je suis nostalgique mais je ne fais plus le tap. Gang. Elle veut que je n'ai deux yeux que pour elle. Je trouve ça un peu égocentrique. Elle veut que je quitte le jeu pour elle. La vie, je suis moins égocentrique. L'âme de putain dans mon Royal Bacon. Millions de follow solitaires comme Econ. Putain de sa mère, j'ai du shit qui dégomme. Hey. Putain de sa mère, j'ai des chiffres qui décollent. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. Certi, certi, tous les coups sont certis. Combien de trophées pour résoudre cette vie? Jumelle droguée pour un double selfie.